بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا التاسع والعشرين في شرح أصول الإيمان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى On commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans l'explication du livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, écrit par l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa la yazalu al-kalamu fi babi dhikri al-mala'ika alayhimus salam wal iman bihim. Et on continue à parler aujourd'hui du chapitre lié à la citation des anges عليهم السلام et le fait d'avoir foi en eux. قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم. L'auteur nous dit selon Aïcha radiallahu anha qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés d'une flamme de feu et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit » rapporté par Muslim. هذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه سابقا أن الملائكة خلقت من نور. Il y a dans ce hadith une preuve concernant ce que nous avons cité précédemment, c'est-à-dire que les anges ont été créés à partir de la lumière. وفيه كون الجن خلقوا من النار أو من نار والإنسان خلق من طين. Il y a dans cela le fait que les djinns ont été créés à partir de lumière. Et que l'être humain a été créé à partir de tin, c'est-à-dire à partir de terre mélangée à l'eau. فالله تبارك وتعالى أخبر في غير موضع أنه خلق آدم من طين. Et donc Allah تبارك وتعالى a informé à plusieurs passages, dans plusieurs passages, qu'il a créé Adam à partir de cette terre mélangée à de l'eau. Qu'on peut aussi traduire par l'argile. لذا لما تكبر إبليس ورفض أن يسجد لآدم قال كما قال الله عنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Et c'est pour cela que Iblis, lorsqu'il s'en est orgueilli et qu'il a refusé de se prosterner pour Adam, qu'il a désobéi à son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, et donc Iblis a dit, comme Allah tabaraka wa ta'ala rapporte de lui, ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé à partir du feu et tu l'as créé à partir d'argile. Wa hadha dalilun ala عِظَمِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc ça, c'est une preuve qui montre la puissance d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. تَأَمَّلُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِمَّا يَشَاءُ. Méditez, Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى, il crée ce qu'il veut à partir de ce qu'il veut. فَمِنَ النُّورِ خَلَقَ الْمَلَائِكَ. Et donc à partir de la lumière, il a créé les anges. وَمِنَ النَّارِ خَلَقَ الْجَنِ. Et à partir du feu, il a créé les djinns, aussi Iblis. وَمِنَ الطِّينِ خَلَقَ الْإِنسَانِ. Et à partir de l'argile, il a créé l'être humain. وَأَيْضًا الْإِنسَانِ أَسْلُ خِلْقَتِهِ خَيْرٌ مِنْ أَسْلِ خِلْقَتِ إِبْلِسِ. Et aussi, l'être humain, la base de sa création, est meilleur que la base de la création de Iblis, at-tin khayrun min an-nar. Car certes, l'argile, la terre mouillée, est meilleure que le feu. Fan-naru muhrikatun mutlifatun. Et donc, le feu brûle et il est dévastateur. Le feu brûle tout, le feu va brûler toute chose et il est aussi dévastateur. Wa min at-tin wa amma at-tin fa tantuju aw tuntiju an-nabatat wal ashjar. Par contre, la terre, cette terre mouillée, elle va donc, à partir de cette terre, vont être créés ou alors vont être produits des arbres et des plantes. ثم قال المؤلف رحمه الله وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض. Ensuite, l'auteur, il nous dit, et il a été rapporté de façon authentique dans certaines narrations, ou dans certains hadiths qui rapportent al-mi'raj, l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au ciel, que certes, la maison peuplée lui a été montrée, celle qui se trouve dans le septième ciel, et il fut dit dans le sixième, au même degré que la Kaaba sur la terre. Cette maison qui a le même degré, le même rang que la Kaaba sur la terre. وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ. Et cette maison se trouve au même niveau que la Kaaba, c'est-à-dire juste au-dessus de la Kaaba. حُرْمَتُهُ فِي السَّمَاءِ كَحُرْمَةِ الْكَعْبَةِ فِي الْأَرْضِ. Et son caractère sacré dans le ciel est identique au caractère sacré de la Kaaba sur terre. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ. Et certes, il y a certes 70 000 anges qui y rentrent chaque jour, puis ils n'y retournent pas. فالمؤلف رحمه الله هنا جمع عددا من الروايات الواردة في المعراج. Et donc l'auteur ici, il a rassemblé plusieurs narrations qui ont été rapportées concernant al-mi'raj, l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعضها في الصحيحين كقوله يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. Malak, certaines narrations sont dans Sahihain, dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, comme sa parole lorsqu'il dit « Il y a 70 000 anges qui y rentrent tous les jours ». Cette parole se trouve dans Sahihain, dans Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim. وَبَعْضُ الرِّوَيَاتِ لَيْسَتْ فِي Sahihain. Et certaines narrations ne sont pas dans Sahihain. أَمَّا قَوْلُهُ وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ فَجَاءَ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ. En ce qui concerne sa parole, lorsqu'il dit « Rahimahullah » et donc cette demeure, cette maison est au même niveau que la Kaaba, c'est-à-dire juste au-dessus de la Kaaba. Alors cette parole a été citée dans d'autres recueils que « As-Sahihayn », que les deux recueils de Al-Bukhari et Al-Muslim. « لَكِنَّ شَيْخَ الْأَلْبَانِ رَحِمَهُ صَحَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ التي تعددت طرقها. Cependant, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a aussi authentifié cette narration qui a plusieurs chaînes de transmission et que ces chaînes se renforcent mutuellement. Wa fi hadha ahammiyatul baytil ma'mur fa innahu bimanzilatil ka'bati fil ard. Et il y a en cela l'importance de la maison peuplée qu'il y a dans le ciel. Car cette maison peuplée est à le même degré que la Kaaba sur terre. Wa qad aqsama Allah ta'ala bi. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a juré par cette maison. Et on a déjà vu dans les cours de tafsir que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il jure par une de ses créatures, et donc cela distingue cette créature des autres. Cela distingue cette créature des autres et la met en valeur. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wal baytil ma'mour, et par la maison peuplée. Wa fi hadha aydan anna al mala'ika يعبدون الله تعالى ليس لهم من الأمر شيء. Il y a aussi dans cela le fait que les anges adorent Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils n'ont rien du tout de l'ordre, c'est-à-dire ce n'est pas les anges qui décident, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne et qui fait ce qu'il veut. وفي هذا كثرة الملائكة وأنه لا يعرف عددهم إلا الله تبارك وتعالى. Et il y a en cela aussi le grand nombre des anges. Et seul Allah تبارك وتعالى connaît leur nombre. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit selon Aïchata radiallahu anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas dans le ciel, il n'y a pas dans le ciel l'espace d'un pied, sans qu'il n'y ait un ange qui soit prosterné, ou un ange qui soit debout. Et ceci est la parole d'Allah, ceci est la parole des anges, lorsqu'ils disent wa inna lanahnu saffun, certes c'est nous qui sommes en rang, wa inna lanahnu al-musabbihun, et c'est nous qui prenons la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala, rapporté par Muhammad ibn Nasr ainsi que Ibn Abi Hatim ainsi que Ibn Jarir et Abu Sheikh. Wa hadha al-hadith fihi ma taqaddam أن الملائكة يعبدون الله تبارك وتعالى يستحقون العبادة لا يستحقون العبادة. Il y a dans ce hadith ce qu'on a déjà vu précédemment, qui est que les anges adorent Allah تبارك وتعالى et ne méritent nullement l'adoration. وأيضا فيه كثرة الملائكة. Il y a aussi dans ce hadith le grand nombre d'anges qu'il y a. Subhanallah. Subhanallah, gloire à Allah tabaraka wa ta'ala. هذه السماء مع سعتها ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. Subhanallah, ce ciel, malgré son caractère vaste, malgré le grand espace que prend le ciel, et donc malgré cela, il n'y a pas, ne serait-ce que la place d'un pied dans le ciel, sans qu'il n'y ait un ange qui soit prosterné ou debout. Cela nous montre le grand nombre d'anges qu'il y a dans le ciel. Fa subhana man yaf'alu ma yurid. Gloire à celui qui fait ce qu'il veut. Thumma dhakara al-mu'allif rahimahullah hadithan akhar fi hadha al-ma'na. Fa qala wa rawa at-Tabarani عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. Et donc l'auteur, il nous dit, rahimahullah, il nous dit, At-Tabarani a rapporté selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas dans le ciel, il n'y a pas dans les sept cieux, il n'y a pas dans les sept cieux, l'espace d'un pied, ou d'un empas, ou d'une main, sans qu'il n'y ait un ange debout, ou un ange prosterné, ou un ange raki'a, incliné. Et au jour du jugement, ils diront tous, c'est-à-dire les anges, ils diront tous, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites, haqqa ibadatik, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites. Illa anna lam nushrik bika shay'a, sauf que nous ne t'avons accordé aucun associé. Fahada aydan ayyuha al-ikhwa fihi kathratu al-malaika. Il y a aussi dans ce hadith le grand nombre d'anges. Wa fihi kathratu ibadatihim. Il y a aussi le grand nombre d'adorations qu'ils font, que ces anges adorent Allah tabaraka wa ta'ala, ne se lassent pas de l'adorer. Wa ma'a hadha la yartaruna bi kathrati ibadatihim lahu. Et malgré ce grand nombre d'adorations, les anges ne sont pas leurrés par cela. Ils ne sont pas leurrés par le fait qu'ils adorent beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Bel yakuluna yawm al-qiyamah ma abadnaka haqqa ibadatik. Mais au contraire, ils diront au jour de la résurrection, ils diront, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Subhanallah. Malgré tous ces actes d'adoration, le fait qu'ils ne se lassent pas, le fait qu'ils ne s'arrêtent pas, malgré cela, ils ne l'ont pas adoré comme ils le méritent. Subhanallah. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, malgré tous les bienfaits, avec tous les bienfaits qu'il nous a accordés et les bienfaits que nous ne pouvons dénombrer, nous ne pouvons pas l'adorer, Allah tabaraka wa ta'ala, haqqa ibadatihi, comme il doit être adoré. Mais nous faisons notre maximum. Et Allah tabaraka wa ta'ala est généreux. Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ. Et c'est comme cela que le serviteur croyant doit être. لَا يَغْتَرُّ بِعَمَلِي. Il n'est pas trompé par les actes qu'il accomplit. Hein? Il n'est pas trompé par ce qu'il a fait de bien. Ah, moi j'ai fait char de tel livre. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Moi je fais qiyam al-layl, moi j'ai ci, moi. Il n'est pas trompé. Le serviteur ne doit pas se vanter des actes qu'il fait. Il n'est pas leurré par le fait qu'il accomplit des actes de bien. Nous devons faire très attention à cela. Wa ya'lamu bi annahu mahma fa'al min al-khayri. Et donc le serviteur, il sait que peu importe le grand nombre de biens qu'il fait, il ne pourra pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il le mérite. Il ne pourra pas. وَهَذَا يُذَكِّرُنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Gloire à toi, je ne peux faire tes éloges correctement, je ne peux faire tes éloges comme il se doit. Tu es comme tu t'es certes décrit de façon élogieuse, tu es comme tu t'es certes décrit de façon élogieuse. Fayanbaghi lil'abdi an la yaghtarra bi nafsihi. Et donc il convient au serviteur de ne pas être leurré par sa propre personne. Wa fi hadha al-hadith aidan al-khawf min ash-shirk. Il y a aussi dans ce hadith la peur du polythéisme et le grand bien du monothéisme, comme les anges l'ont cité. Illa anna lam nushrik bika shay'a, sauf que nous ne t'avons accordé aucun associé. Fa hadhihi ni'matun 'azima an al-'abd la yushrik billahi tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est un très grand bien que le serviteur n'accorde aucun associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuhyiyana wa an yumitana 'ala al-islam wa as-sunnati wa at-tawhid. Et donc nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse vivre et qu'il nous fasse mourir sur l'islam, la sunna et le monothéisme. Il est capable de toutes choses. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayra.